Amélie ni belle ni vigira. Et Jimmy Ndayiteho et Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée en français. Nous sommes 5 juin 2018. Tout d'abord l'essentiel. C'est ce mardi qu'a commencé la passation du concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. À certains centres de passation ici à Mairie de Bujumbura où nos reporters ont pu passer. Pas d'incident majeur à signaler, mais chez les élèves sourds-muets du lycée Notre-Dame de la Sagesse à Gitega, les conditions ne sont pas favorables. Et à Karoussi, des retards ont été signalés. Vous en aurez les détails. 80 fidèles de l'islam sont emprisonnés au cachot de la police à Kayanza. Ils ont été arrêtés la nuit de samedi, accusés d'être rebelles, alors qu'ils se rassemblaient pour la prière de Ramadan le 5 juin de chaque année. Le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement. L'expert en environnement Albert Mboneranne déplore l'état des lieux de l'environnement aujourd'hui au Burundi. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et changement des mentalités demande au gouvernement de faire respecter le code de l'environnement. Les détails, c'est tout à l'heure. Vous en avez l'habitude, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé. Aujourd'hui, notre chroniqueuse santé vous parle de la deuxième partie des cardiopathies congénitales. Bienvenue. Rebonjour, Panche Sécurité pour débuter ce journal. 80 personnes, dont 24 femmes de la religion musulmane, sont sous les verrous au cachot de la police à Kayanza depuis samedi dernier. Ils ont été arrêtés à 20h30 de la soirée, au moment où ils s'étaient regroupés au domicile d'un fidèle de l'islam pour la prière. Ils sont accusés de constituer une rébellion. La police dit que leur dossier est en train d'être confectionné pour être traduit devant la justice. Ces musulmans demandent leur libération, expliquant qu'ils faisaient la prière du mois de Ramadan. L'Union européenne a débloqué une somme de plus de 350 millions de francs burundais pour venir en aide aux victimes des récentes inondations. Dans un communiqué de presse, cette organisation précise que ces fonds permettront de répondre aux besoins urgents de plus de 700 foyers. Une priorité sera accordée aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu'aux personnes en situation de handicap, aux malades chroniques, femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes âgées. Le Sénat burundais compte déménager pour implanter son bureau dans la province Gitega. Pour ce, une commission composée de 7 personnes chargées de ce déménagement a été mise sur pied par le président du Sénat. Cette commission est chargée de chercher les bâtiments pouvant contenir tous les services du Sénat, de sélectionner parmi les équipements existants du Sénat ceux qui pourront être amenés à Gitega et ceux qui seront déclassés. La dite commission a un délai de 3 mois, comme le précise la même correspondance. Le président de la PARSEM demande aux responsables dans le domaine de l'environnement de dénoncer à ceux qui ne respectent pas le code de l'environnement. Dans un point de presse de ce mardi, Faustin Ndikumana a donné l'exemple des inondations dues à certaines personnes qui n'ont pas respecté les lois. Il demande également aux autorités compétentes de faire le tout possible pour protéger l'environnement car, précise-t-il, la situation actuelle de l'environnement est alarmante. Suivez-le. Tenez. Nous avons une vitesse de déforestation singulière, de croisière même. 64 hectares de déforestation annuellement, avec le problème de gestion du charbon dans un contexte de pression démographique élevée. L'érosion qui nous fait perdre 100 tonnes par hectare de bonne terre annuellement. Les inondations dévastatrices devenues endémiques chaque année. Le déficit de traitement des eaux usées avec le centre d'épuration de bouteilles. Installation sanitaire. Plus de 5 millions de Burundais qui n'ont pas de station sanitaire adéquate. L'assèchement progressif de certains lacs du Nord. On a des institutions. Un ministère, bien sûr, mes ministres deviennent d'être des membres. Il y a l'INS, les centres, les projets autoritaires du lac Tanganyika. Nous avons les lois, code de l'eau, code de l'environnement. On a initié une police spéciale pour la protection de l'environnement. Mais on n'a jamais de résultats. Il faut alors une réunion en conclave, États-Unis, pour inviter les gens à la redevabilité. Tous ces directeurs des projets qui gèrent l'environnement devaient nous dire là où il y a une entrave. L'Assemblée nationale devrait exiger de connaître ces gens qui se mettent au-dessus de la loi pour mettre notre pays dans une situation aussi catastrophique. Toujours en page environnement, l'état des lieux de l'environnement burundi est très déplorable, constat de l'ambassadeur Albin Mbonerané, président de l'association Amis de la Nature qui lutte pour l'environnement en cette date, marquant la journée mondiale de l'environnement. Cet expert en environnement déplore entre autres la détérioration du lac Tanganyika et certaines rivières vues au sud de tout le monde. Suivez plutôt l'ambassadeur Albin Mbonerané. Si je parlais pour le lac Tanganyika, quand vous voyez tout ce que nous jetons dans le lac Tanganyika comme déchets, disons les produits en plastique, etc., les déchets ménagers, tout ça. Et puis après, nous allons demander au lac Tanganyika de nous donner de l'eau potable de bonne qualité. Nous demandons au lac Tanganyika de nous donner du poisson, alors que nous ne faisons que lui donner des déchets. Alors maintenant, le lac Tanganyika nous dit, attention, je risque de réagir. Et quand la nature se révolte, il n'y a pas d'armes. Et quand l'environnement n'est pas bien protégé, la première victime, c'est la personne humaine. Alors, quand je vois, par exemple, au niveau du lac Tanganyika, l'article 5 du Code de l'eau qui est sorti le 26 mars 2012, nous dit qu'il ne faut pas continuer à construire au bord du lac Tanganyika. Il faut au moins une zone tampon, une zone de protection sur une largeur de 150 mètres. Mais quand vous allez dans ce même article 5, il est dit que le ministre en charge de l'eau, de l'environnement, il peut aller au-delà de 150 mètres. Je vois par exemple du côté d'Ogissio, où on était allé jusque vers 400 mètres. Pourquoi? Parce que les zones humides, là où vous avez, je dirais, de l'eau stagnante, là, il ne faut pas compter les 150 mètres. Il faut aller au-delà. Et puis maintenant, les gens construisent n'importe comment. La faute est à qui? La faute est attribuable à celui qui attribue les parcelles, mais aussi à la personne qui accepte d'avoir des parcelles dans des zones non constructibles. Pourquoi est-ce que la Direction générale de l'urbanisme continue à attribuer des parcelles dans des zones interdites par le code de l'eau? Et quand la Direction générale de l'urbanisme attribue ces parcelles, c'est cette direction qui met en danger l'État burundais, parce que demain, quand on va assister à cette destruction, disons les maisons qui vont tomber au bord des rivières, etc., la faute, on va dire, c'est à qui? C'est à la personne qui a attribué cette parcelle dans une zone non constructible. Cet expert en environnement trouve que le rôle du gouvernement via son ministère en charge de l'environnement est primordial pour sauver ce qui reste à sauver. On écoute encore une fois, il a été joint au téléphone par Evariste Ndikubanyang. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement seul qui peut agir, c'est le gouvernement qui doit veiller à la mise en application des textes de loi, etc. Sinon, le code de l'eau ne servirait à rien. Et puis le code de l'environnement nous dit qu'avant de construire au bord du lac, au bord d'une rivière, il faut faire une étude d'impact environnemental. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ces études sont réalisées, parce que quand vous voyez des gens qui construisent dans la zone non constructible à moins de 150 mètres, alors que le code est là, on se pose des questions, c'est quoi ça? Donc il est grand temps aujourd'hui, comme c'est la journée mondiale de l'environnement, que les Burundais se ressaisissent pour dire, si nous protégeons l'environnement, c'est pour notre bien et surtout pour les générations à venir. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Parlons élevage à présent. 13h07, plus de 3 millions de petits ruminants ont été vaccinés lors de la récente campagne de vaccination contre la peste du petit bétail. Dans un point de presse de ce mardi, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage appelle les éleveurs et l'administration à la vigilance. Diogui Derulema leur demande également de signaler tout cas suspect de la peste des petits ruminants. Moïse Emisako. Dans ce point de presse, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que 700 000 doses sont gardées en stock pour assurer la surveillance en cas d'un éventuel cas de suspect. Le ministre Diogui Derulema précise que ce vaccin concernait le petit bétail de 3 mois et plus, ne présentant pas des signes cliniques. Au total, 4 millions de doses de vaccin ont été offertes et 700 000 doses sont gardées en stock pour assurer la surveillance. La campagne concernait tout petit ruminant âgé de 3 mois au plus et ne présentant pas les signes cliniques de la peste des petits ruminants. Au cours de la campagne de vaccination, nous avons pu vacciner un effectif de 3 058 petits ruminants. Quant à la mesure de suspension temporelle de la consommation de la viande de ces ruminants, le ministre Diogui Derulema précise que la mesure reste de mise. L'arrivée des mesures prises pour continuer la consommation des brochettes de chèvres des moutons. Cette mesure reste toujours en vigueur. Les études nous renseignent qu'il faut au moins 21 jours pour confirmer ou infirmer l'acquisition de l'immunité de nos vaccins au niveau des animaux vaccinés. Nous renseignons un appel à la population de faire preuve de cette même patience pendant ces 21 jours. Dans le but d'assurer la sauvegarde de l'environnement et social, le ministre en charge de l'environnement précise que tous les flacons ainsi que les déchets issus des opérations de vaccination ont été collectés et seront détruits. La province Gitega présente un effectif élevé des ruminants vaccinés. Cette campagne de vaccination des petits ruminants a pris fin ce 29 mai et elle a commencé le 9 avril 2018. Merci Moïse Amissago. Parlons économie à présent. Environ 70 milliards de francs burundais. Tel est le montant provisoire pour les élections de 2020. L'annonce du ministre burundais des Finances lors d'une conférence de presse ce mardi. Domitien Dihokubgayo a fait savoir que jusqu'au 31 mai de cette année, plus de 17 milliards de francs burundais ont été collectés pour les contributions des élections de 2020. Au niveau des catégories des fonctionnaires et autres, alors que les citoyens non salariés commenceront à contribuer au mois de juillet de cette année. Suivez-le. Pour la catégorie de citoyens fonctionnaires, au 31 mai 2018, les contributions pour cette catégorie totalisent un montant de 2 688 217 781 francs burundais. Ces contributions sont directement acheminées sur le compte principal dédié à la Banque de la République du Burundi après retenue sur salaire. Au 31 mai 2018, les contributions de la catégorie autres totalisent un montant de 6 234 523 549 francs burundais et sont enregistrés sur le compte principal dédié se trouvant à la BRB. Les contributions de la population aux élections de 2020, arrêtées au 31 mai 2018, totalisent un montant de 8 922 541 330 francs burundais. Et le montant sur le compte provision des élections au 31 mai, ici, c'est le compte qui est approvisionné par l'État, est de 8 283 233 334 francs burundais, dont 6,2 milliards représentant la contribution de l'État pour l'exercice budgétaire de 2017. Ainsi, le montant global sur les deux comptes au 31 mai 2018 est de 17 205 774 664 francs burundais. Cet exercice budgétaire de 2018, la contribution de l'État prévue dans la loi de finances est de 12,5 milliards. Le montant indicatif pour les élections de 2020 est d'environ 70 milliards. Ce montant, je le dis et je le clarifie encore une fois, ce montant est indicatif. Du fait qu'actuellement la CENI est en train de rapatrier tous les équipements utilisés lors du référendum, mais éparpillés dans tout le pays. Domitien Dihokubgayo, il est ministre des Finances. Le directeur général au ministère du Commerce nie avoir délivré l'autorisation d'exportation à un camion de type Fuso rempli de mandarines qui a été intercepté la semaine dernière à Muyinga. Donatien Nidigama précise que seul le ministre a les prérogatives de délivrer de tels documents et demande au gouverneur de Muyinga de coopérer avec le ministère du Commerce pour identifier l'origine de ces papiers. On l'écoute. Normalement, l'autorisation, c'est le ministre qui donne l'autorisation, mais parmi les documents d'exportation, d'importation, il y a un document qu'on appelle code d'importation ou code d'exportation délivré par un département du commerce extérieur. Je pense que le gouverneur de la province de Muyinga a lisé les documents. Peut-être que ça doit être un document que je dirais que je peux qualifier faux. Et je demanderai au gouverneur de la province de coopérer avec le ministère pour essayer de voir comment anéantir ces gens qui utilisent les documents font pour exporter ces produits vivriers. Oui, page éducation, 8 élèves sourds muets du lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega passent le concours national édition 2018 donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Ces élèves affrontent cet examen sans un cadreur spécialiste en braille pour des éventuelles communications comme il en était le cas pour les années antérieures. Cette situation inquiète le directeur de ce lycée qui, selon lui, prédit une mauvaise note. Il explique néanmoins que ses élèves n'ont pas eu d'encadreur car ils n'ont pas de problèmes liés à la vision. De Guitéga, Arthur Kavaouchi. Ce concours national édition 2018 donnant accès à l'enseignement post-fondamental qui a débuté ce mardi dans tout le pays, au centre de passation du lycée Notre-Dame de la Sagesse, situé au quartier Rango dans la commune et province de Guitéga et qui a des élèves avec handicap ne s'est pas déroulé comme ça se faisait des autres années. Ceci s'est fait remarquer car le groupe d'élèves sourds-muets était dans la salle sans encadreur expert en langage de signes, ce qui a inquiété l'abbé directeur de ce lycée, choisi comme école pilote dans l'enseignement inclusif. Abbé Elie Sakou a fait savoir que cela va occasionner une mauvaise note dans cet examen, étant donné qu'ils peuvent se voir retirer les points pour n'avoir pas entendu le signal de la fin de l'examen. Il a indiqué que parmi les candidats, il y a un élève avec un semi-moteur au bras droit qu'il utilise pour écrire. Il a ajouté que les deux catégories d'élèves handicapés ne bénéficieront pas d'un temps supplémentaire comme ça se faisait avant. Le président de ce centre, Pierre Salimana, a expliqué que ce groupe d'élèves n'a pas eu d'encadreur car il n'a aucun problème de vision, mais que l'encadreur de l'école a eu le temps de leur expliquer les consignes en rapport avec l'examen. Mais pour les non-voyants, ils n'ont pas passé l'examen car ils ont redoublé en 8e. Le centre du lycée Notre-Dame de la Sagesse a accueilli les élèves de ce lycée, du lycée technique Christera de Mouchata, lycée Saint-Luc et l'école La Merveille. Il y a eu 4 absents. Les sourds-muets qui ont passé cet examen sont au nombre de 8, c'est-à-dire 2 garçons et 6 filles. Cet examen va durer 3 jours. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. Non loin de chez vous, 2415 élèves de 9e année fondamentale sont en train de passer le concours national dans la province scolaire de Karoussim et se déroule dans 37 centres de passation. L'autorité provinciale de l'enseignement espère que sa province pourra occuper la première place du moment qu'elle a été la 4e les 2 dernières éditions du concours de 9e année. Et même ici à Bujumbura, ça a été débuté ce mardi 5 juin de la passation du concours national de la 9e année fondamentale. Sur certains centres de passation où la radio Isanganiro a pu passer en mairie de Bujumbura, le concours s'est déroulé sans incident majeur. Certains élèves se réjouissent qu'ils ont été interrogés sur les matières vues, mais que le concours de sciences ne leur a pas facile. On reviendra sur ce reportage où Gertrude Mawenayo a pu passer à ses centres de passation, dont le campus de l'Université Sagesse d'Afrique se trouvant en zone urbaine de Kinindo, nord-ouest de l'hôpital Semseka. Radio Isanganiro, chronique santé. Je vous l'avais dit en titre, la chronique santé de ce mardi revient sur les maladies du cœur appelées cardiopathie congénitale. La cardiologue Ginette Muhimundu fait savoir que ces malformations sont dues à une anomalie lors de la formation du cœur durant les premières semaines de grossesse. Le traitement est plus chirurgical et nécessite dans la majorité des cas le transfert à l'étranger. La chronique santé d'aujourd'hui, c'est Francine Ndihokoukaye. Nous vous avons parlé dernièrement des cardiopathies congénitales qui sont des maladies du cœur apparaissant chez le fœtus au cours de sa formation dans le ventre de sa mère. La cardiologue Ginette Muhimundu revient sur certains facteurs qui peuvent induire ces malformations cardiaques. En général, le cœur il se développe à partir de la 3e à la 8e semaine de gestation et c'est à partir de cette période qu'il y a des facteurs de risque comme certains médicaments tératogènes, comme certaines maladies infectieuses, notamment la rubéole ou autres virus, comme la radiation, par exemple, si la mère a une radio ou elle est exposée à une radiation dans le premier trimestre, donc il peut y avoir le développement de ces cardiopathies congénitales. Je peux parler également de la femme qui a le diabète ou bien qui développe un diabète gestationnel. Je peux dire l'alcool, la drogue, Les corrections de ces malformations sont en général chirurgicales et certaines d'entre elles peuvent se faire au pays. Le traitement, il est plus chirurgical. Beaucoup d'enfants qui ont ces pathologies, ceux qui ont plus de chance, la correction se fait à l'extérieur du pays. Mais je dois dire aussi qu'il y a certaines cardiopathies congénitales qui sont corrigées ici, comme le canal artériel persistant. On a des médecins qui ont ces compétences, mais la chirurgie cardiaque, elle n'est pas très développée au Burundi. Malheureusement, on a des médecins compétents, mais malheureusement, on n'a pas de centre de chirurgie cardiaque. Dans le cadre de la prévention, Dr Ginette Muimundu appelle les femmes à consulter leur médecin pour un diagnostic précoce. La prévention, justement, c'est que les femmes soient conscientes que ça existe. Quand elles sont enceintes, de se faire suivre par leur gynécologue et aussi, donc, s'il y a des signes de consulter leur pédiatre, et si les pédiatres jugent nécessaire de les envoyer vers le cardiologue pour que le diagnostic soit précoce, pour que l'enfant soit pris en charge à temps avant les grandes complications. En général, ça peut conduire à une insuffisance cardiaque, à une défaillance cardiaque, à des troubles de rythme. Donc, les complications, elles sont multiples. Les cas graves des cardiopathies congénitales peuvent nécessiter une transplantation cardiaque. Merci Francine Ndihokoubgaï, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Jimmy Ndayiteho pour la mise en onde et Mireille Naomi Nitegeka pour la réalisation. Et Dinibé Nibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.